avec un petit mojito. Le shit c'est frital. Sors la moto, je roule avec le pied sur le guidon. Je compte plus les jours, je vois plus qu'on souffre. Je claque un peu mes sous. Je finis sous, je finis sous. Maman, sans trop de jalousie, faut y aller. Papa, ça fait longtemps qu'on sait pas parler. C'est pas la joie, mais je fais comme si tout allait. J'étais déçu car j'ai plus que les potes au balai. Ils veulent que j'échoue. Ils sont trop méchants. Ils veulent que j'échoue. Ils sont trop méchants. Ne me sors pas bien, ils sont rapides. J'ai du mal à imaginer. Tu m'as blessé toute ta vie. Je l'aurais jamais deviné. Ne me sors pas bien, ils sont rapides. J'ai du mal à imaginer. Tu m'as blessé toute ta vie. Je l'aurais jamais deviné. Rien à faire, je roule un pétou, ça m'évite de mettre des coups, nanana. Gros t'inquiète, on sait tout, chez ton ennemi, tu sais tout, nanana. Y'a des frères en mandat d'épaule, personne leur fait de parler, c'est pas beau. Ils sont en galère en cellule, toi tu donnes des sous à ta folle, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. En plus tu fais le beau. Tu fais le beau. Moi je suis trop loin, je cherche à vous feinter. Sans panique, regarde si c'est moi derrière les vitentes. Avec mon mescaline, j'évite les gens blendés. Si tu m'aimes bien, dis-moi qui c'est qui veut me donner.